Section 24 de « Mémoire d'outre-tombe », volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Troisième partie, livre 7e, suite. Le 3 décembre 1819, je remontais à la tribune de la Chambre des Pairs. Je m'élevais contre les mauvais Français qui pouvaient nous donner pour motif de tranquillité la surveillance des armées européennes. Avions-nous besoin de tuteurs? Viendrait-on encore nous entretenir de circonstances? Devions-nous encore recevoir par des notes diplomatiques des certificats de bonne conduite? Et n'aurions-nous fait que changer une garnison de Cosaques en une garnison d'ambassadeurs? Dès ce temps-là, je parlais des étrangers comme j'en ai parlé depuis dans la guerre d'Espagne. Je songeais à notre affranchissement à une heure où les libéraux même ne combattaient. Les hommes opposés d'opinion font bien du bruit pour arriver au silence. Laissez venir quelques années, les acteurs descendront de la scène et les spectateurs ne seront plus là pour blâmer ou pour applaudir. Je venais de me coucher le 13 février au soir lorsque le marquis de Vibreuil rentra chez moi pour m'apprendre l'assassinat du duc de Berry. Dans sa précipitation, il ne me dit pas le lieu où s'était passé l'événement. Je me levai à la hâte et je montai dans la voiture de monsieur de Vibreuil. Je fus surpris de voir le cocher prendre la rue de Richelieu et plus étonné encore quand il nous arrêta à l'opéra. La foule aux abords était immense. Nous montâmes, au milieu de deux haies de soldats, par la porte latérale à gauche, et comme nous étions en habit de pair, on nous laissa passer. Nous arrivâmes à une sorte de petite antichambre. Cet espace était encombré de toutes les personnes du château. Je me faufilai jusqu'à la porte d'une loge, et je me trouvai face à face de monsieur le duc d'Orléans. Je fus frappé d'une expression mal déguisée, jubilante, dans ses yeux, à travers la contenance contrite qu'il s'imposait. Il voyait de plus près le trône. Mes regards l'embarrassèrent, il quitta la place et me tourna le dos. On racontait autour de moi les détails du forfait, le nom de l'homme, les conjectures des divers participants à l'arrestation. On était agité, affairé. Les hommes aiment ce qui est spectacle, surtout la mort, quand cette mort est celle d'un grand. À chaque personne qui sortait du laboratoire ensanglanté, on demandait des nouvelles. On entendait le général A. de Girardin raconter qu'ayant été laissé pour mort dans le champ de bataille, il n'en était pas moins revenu de ses blessures. Tel espérait et se consolait, tel s'affligeait. Bientôt le recueillement gagna la foule, le silence se fit. De l'intérieur de la loge sortit un bruit sourd, je tenais l'oreille appliquée contre la porte, je distinguais un râlement. Ce bruit cessa, la famille royale venait de recevoir le dernier soupir d'un petit-fils de Louis XIV. J'entrai immédiatement. Qu'on se figure une salle de spectacle vide, après la catastrophe d'une tragédie. Le rideau levé, l'orchestre désert, les lumières éteintes, les machines immobiles, les décorations fixes et enfumées, les comédiens, les chanteurs, les danseuses, disparus par les trappes et les passages secrets. J'ai donné dans un ouvrage à part la vie et la mort de monsieur le duc de Berry. Mes réflexions d'alors sont encore vraies aujourd'hui. Un fils de Saint-Louis, dernier rejeton de la branche aînée, échappe aux traverses d'un long exil et revient dans sa patrie. Il commence à goûter le bonheur, il se flatte de se voir renaître, de voir renaître en même temps la monarchie dans les enfants que Dieu lui promet. Tout à coup, il est frappé au milieu de ses espérances, presque dans les bras de sa femme. Il va mourir, et il n'est pas plein de jours. Ne pourrait-il pas accuser le ciel, lui demander pourquoi il le traite avec tant de rigueur ? Qu'il eût été pardonnable de se plaindre de sa destinée. Car enfin quel mal faisait-il? Il vivait familièrement au milieu de nous, dans une simplicité parfaite. Il se mêlait à nos plaisirs et soulageait nos douleurs. Déjà 6 de ses parents ont péri. Pourquoi l'égorger encore? Le rechercher, lui, innocent, lui, si loin du trône, 27 ans après la mort de Louis XVI. Connaissons mieux le cœur d'un Bourbon. Ce cœur, tout percé du poignard, n'a pu trouver contre nous un seul murmure. Pas un regret de la vie, pas une parole amère n'a été prononcée par ce prince. Époux, fils, père et frère, en proie à toutes les angoisses de l'âme, à toutes les souffrances du corps, il ne cesse de demander la grâce de l'homme, qu'il n'appelle pas même son assassin. Le caractère le plus impétueux devient tout à coup le caractère le plus doux. C'est un homme attaché à l'existence par tous les liens du cœur. C'est un prince dans la fleur de l'âge. C'est l'héritier du plus beau royaume de la terre qui expire, et vous diriez que c'est un infortuné qui ne perd rien ici-bas. Le meurtrier Louvel était un petit homme, à figure sale et chafouine, comme on en voit des milliers sur le pavé de Paris. Il tenait du roquet, il avait l'air hargneux et solitaire. Il est probable que Louvel ne faisait partie d'aucune société. Il était d'une secte, non d'un complot. Il appartenait à l'une de ces conjurations d'idées dont les membres se peuvent quelquefois réunir, mais agissent le plus souvent un à un d'après leurs impulsions individuelles. Son cerveau nourrissait une seule pensée, comme un cœur s'abreuve d'une seule passion. Son action était conséquente à ses principes. Il avait voulu tuer la race entière d'un seul coup. Louvel a des admirateurs de même que Robespierre. Notre société matérielle, complice de toute entreprise matérielle, a détruit vite la chapelle élevée en expiation d'un crime. Nous avons l'horreur du sentiment moral parce qu'on y voit l'ennemi et l'accusateur. Les larmes auraient paru une récrimination. On avait hâte d'ôter à quelques chrétiens une croix pour pleurer. Le 18 février 1820, le conservateur paya le tribut de ses regrets à la mémoire de M. le duc de Berry. L'article se terminait par ce vers de Racine : si du sang de nos rois quelques gouttes échappaient, hélas, cette goutte de sang s'écoule sur la terre étrangère. M. de Casse tomba, la censure arriva, et malgré l'assassinat du duc de Berry, je votai contre elle. Ne voulant pas qu'elle souillât le conservateur, ce journal finit par cette apostrophe au duc de Berry : prince chrétien, digne fils de Saint-Louis, illustre rejeton de tant de monarques, avant que vous soyez descendu dans cette dernière demeure, recevez notre dernier hommage. Vous aimiez, vous lisiez un ouvrage que la censure va détruire. Vous nous avez dit quelquefois que cet ouvrage sauvait le trône. Hélas, nous n'avons pu sauver vos jours. Nous allons cesser d'écrire au moment que vous cessez d'exister. Nous aurons la douloureuse consolation d'attacher la fin de nos travaux à la fin de votre vie. Note. Article de Chateaubriand, daté du 3 mars 1820. Le Conservateur, tome 6, page 471. Fin de note. Monsieur le duc de Bordeaux vint au monde le 29 septembre 1820. Le nouveau-né fut nommé l'enfant de l'Europe et l'enfant du miracle, en attendant qu'il devint l'enfant de l'exil. Note. Lorsque le nonce vint féliciter le roi au nom du corps diplomatique, il prononça la phrase suivante en montrant le duc de Bordeaux. « Voici le plus grand bienfait que la Providence la plus favorable a daigné accorder à la tendresse de votre majesté. Cet enfant de souvenirs et de regrets est aussi l'enfant de l'Europe. Il est le présage et le garant de la paix et du repos qui doivent suivre tant d'agitations. Il est né, l'enfant du miracle, héritier du sang d'un martyr. Il est né d'un tardif oracle. Il est né d'un dernier soupir. Aux accents du bronze qui tonne, la France s'éveille et s'étonne du fruit que la mort a porté. Jeu du sort, merveille divine, ainsi fleurit sur des ruines un lys que l'orage a planté. La naissance du duc de Bordeaux par Alphonse de Lamartine. Fin de note. Quelque temps avant les couches de la princesse, trois dames de la halle de Bordeaux, au nom de toutes les dames leurs compagnes, firent faire un berceau, et me choisirent pour les présenter, elles et leur berceau, à madame la duchesse de Berry. Mesdames d'Asté, Duranton, Aniche, m'arrivèrent. Je m'empressai de demander aux gentilshommes de service l'audience d'étiquette. Voilà que monsieur de Sèze crut qu'un tel honneur lui appartenait de droit. Il était dit que je ne réussirais jamais à la cour. Je n'étais pas encore réconcilié avec le ministère et je ne parus pas digne de la charge d'introducteur de mes humbles ambassadrices. Je me tirai de cette grande négociation comme de coutume en payant leurs dépenses. Tout cela devint une affaire d'État. Le cancan passa dans les journaux, les dames bordelaises en eurent connaissance et m'écrivirent à ce sujet la lettre qui suit. Bordeaux, le 24 octobre 1820. Monsieur le Vicomte, nous vous devons des remerciements pour la bonté que vous avez eue de mettre au pied de madame la duchesse de Berry notre joie et nos respects. Pour cette fois du moins, on ne vous aura pas empêché d'être notre interprète. Nous avons appris avec la plus grande peine l'éclat que monsieur le comte de Sèze a fait dans les journaux. Et si nous avons gardé le silence, c'est parce que nous avons craint de vous faire de la peine. Cependant, monsieur le vicomte, personne ne peut mieux que vous rendre hommage à la vérité et tirer d'erreur monsieur de Sèze sur nos véritables intentions pour le choix d'un introducteur chez son Altesse royale. Nous vous offrons de déclarer dans un journal à votre choix tout ce qui s'est passé. Et comme personne n'avait le droit de nous choisir un guide, que jusqu'au dernier moment nous nous étions flattés que vous seriez ce guide, ce que nous déclarerons à cet égard ferait nécessairement taire tout le monde. Voilà à quoi nous sommes décidés, monsieur le vicomte, mais nous avons cru qu'il était de notre devoir de ne rien faire sans votre agrément. Comptez que ce serait de grand cœur que nous publierions les bons procédés que vous avez eus pour tout le monde au sujet de notre présentation. Si nous sommes la cause du mal, nous voilà prêtes à le réparer. Nous sommes et nous serons toujours de vous, monsieur le vicomte, les très humbles et très respectueuses servantes, femmes d'Asté, Duranton, Aniche. Je répondis à ces généreuses dames qui ressemblaient si peu aux grandes dames. Je vous remercie bien, mes chères dames, de l'offre que vous me faites de publier dans un journal tout ce qui s'est passé relativement à monsieur de Sèze. Vous êtes d'excellentes royalistes, et moi aussi je suis un bon royaliste. Nous devons nous souvenir avant tout que monsieur de Sèze est un homme respectable et qu'il a été le défenseur de notre roi. Cette belle action n'est point effacée par un petit mouvement de vanité. Ainsi, gardons le silence. Il me suffit de votre bon témoignage auprès de vos amis. Je vous ai déjà remercié de vos excellents fruits. Madame de Chateaubriand et moi, nous mangeons tous les jours vos marrons en parlant de vous. À présent, permettez à votre hôte de vous embrasser. Ma femme vous dit mille choses, et moi je suis votre serviteur et ami Chateaubriand. Paris, 2 novembre 1820. Mais qui pense aujourd'hui à ces futiles débats? Les joies et les fêtes du baptême sont loin derrière nous. Quand Henri naquit, le jour de Saint-Michel, ne disait-on pas que l'archange allait mettre le dragon sous ses pieds? Il est à craindre, au contraire, que l'épée flamboyante n'ait été tirée du fourreau que pour faire sortir l'innocent du paradis terrestre et pour en garder contre lui les portes. Cependant, les événements qui se compliquaient ne décidaient rien encore. L'assassinat de M. le duc de Berry avait amené la chute de M. de Cazes, qui ne se fit pas sans déchirement. M. le duc de Richelieu ne consentit à affliger son vieux maître que sur une promesse de M. Molé de donner à M. de Cazes une mission lointaine. Il partit pour l'ambassade de Londres, où je devais le remplacer. Rien n'était fini, M. de Villèle restait à l'écart avec sa fatalité, M. de Corbière. J'offrais de mon côté un grand obstacle. Madame de Montcalm ne cessait de m'engager à la paix. Note. Sœur du duc de Richelieu, elle était très liée avec Chateaubriand. Fin de note. J'y étais très disposée, ne voulant sincèrement que sortir des affaires qui m'envahissaient et pour lesquelles j'avais un souverain mépris. M. de Villèle, quoique plus souple, n'était pas alors facile à manier. Il y a deux manières de devenir ministre, l'une brusquement et par force, l'autre par longueur de temps et par adresse. La première n'était point à l'usage de M. de Villèle. Le côteleux exclut l'énergique, mais il est plus sûr et moins exposé à perdre la place qu'il a gagnée. L'essentiel dans cette manière d'arriver est d'agréer main soufflet et de savoir avaler une quantité de couleuvres. M. de Talleyrand faisait grand usage de ce régime des ambitions de seconde espèce. En général, on parvint aux affaires par ce que l'on a de médiocre, et l'on y reste par ce que l'on a de supérieur. Cette réunion d'éléments antagonistes est la chose la plus rare, et c'est pour cela qu'il y a si peu d'hommes d'État. M. de Villèle avait précisément le terre-à-terre des qualités par lesquelles le chemin lui était ouvert. Il laissait faire du bruit autour de lui pour recueillir le fruit de l'épouvante qui s'emparait de la cour. Parfois, il prononçait des discours belliqueux, mais où quelques phrases laissaient luire l'espérance d'une nature abordable. Je pensais qu'un homme de son espèce devait commencer par entrer dans les affaires, n'importe comment, et dans une place non trop effrayante. Il me semblait qu'il lui fallait être d'abord ministre sans portefeuille, afin d'obtenir un jour la présidence même du ministère. Cela lui donnerait un renom de modération, il serait vêtu parfaitement à son air. Il deviendrait évident que le chef parlementaire de l'opposition royaliste n'était pas un ambitieux puisqu'il consentait pour le bien de la paix à se faire si petit. Tout homme qui a été ministre, n'importe à quel titre, le redevient. Un premier ministère est l'échelon du second. Il reste sur l'individu qui a porté l'habit brodé une odeur de portefeuille qui le fait retrouver tôt ou tard par les bureaux. Madame de Montcalm m'avait dit de la part de son frère qu'il n'y avait plus de ministère vacant, mais que si mes deux amis voulaient entrer au conseil comme ministre d'État sans portefeuille, le roi en serait charmé, promettant mieux pour la suite. Elle ajoutait que si je consentais à m'éloigner, je serais envoyé à Berlin. Je lui répondis qu'à cela ne tenait, que quant à moi j'étais toujours prêt à partir et que j'irais chez le diable dans le cas que les rois eussent quelque mission à remplir auprès de leurs cousins, mais que je n'acceptais pourtant un exil que si M. de Villèle acceptait son entrée au conseil. J'aurais voulu aussi placer M. l'aîné auprès de mes deux amis. Je me chargeais de la triple négociation. J'étais devenu le maître de la France politique par mes propres forces. On ne se doute guère que c'est moi qui ai fait le premier ministère de M. de Villèle et qui ai poussé le maire de Toulouse dans la carrière. Je trouvais dans le caractère de M. l'aîné une obstination invincible. M. de Corbière ne voulait pas une simple entrée au conseil. Je le flattais de l'espoir qu'on y joindrait l'instruction publique. M. de Villèle, ne se prêtant qu'avec répugnance à ce que je désirais, me fit d'abord 1000 objections. Son bon esprit et son ambition le décidèrent enfin à marcher en avant. Tout fut arrangé, voici les preuves irrécusables de ce que je viens de raconter, documents fastidieux de ces petits faits justement passés à l'oubli, mais utiles à ma propre histoire. 20 décembre, 3h30, à M. le duc de Richelieu. J'ai eu l'honneur de passer chez vous, monsieur le duc, pour vous rendre compte de l'état des choses. Tout va à merveille. J'ai vu les deux amis. Villèle consent enfin à entrer ministre secrétaire d'État au conseil sans portefeuille, si Corbière consent à entrer au même titre avec la direction de l'instruction publique. Corbière, de son côté, veut bien entrer à ces conditions, moyennant l'approbation de Villèle. Ainsi, il n'y a plus de difficulté. Achevez votre ouvrage, monsieur le duc, voyez les deux amis, et quand vous aurez entendu ce que je vous écris de leur propre bouche, vous rendrez à la France la paix intérieure comme vous lui avez donné la paix avec les étrangers. Permettez-moi de vous soumettre encore une idée. Trouveriez-vous un grand inconvénient à remettre à Villèle la direction vacante pour la retraite de M. de Barante ? Il serait alors placé dans une position plus égale avec son ami. Toutefois, il m'a positivement dit qu'il consentirait à entrer au conseil sans portefeuille si Corbière avait l'instruction publique. Je ne dis ceci que comme un moyen de plus de satisfaire complètement les royalistes et de vous assurer une majorité immense et inébranlable. J'aurai enfin l'honneur de vous faire observer que c'est demain au soir qu'a lieu chez Pied la grande réunion royaliste et qu'il serait bien utile que les deux amis puissent demain au soir dire quelque chose qui calma toutes les effervescences et empêcha toutes les divisions. Comme je suis, monsieur le duc, hors de tout ce mouvement, vous ne verrez, j'espère, dans mon empressement que la loyauté d'un homme qui désire le bien de son pays et vos succès. Agréez, je vous prie, monsieur le duc, l'assurance de ma haute considération, Chateaubriand. Mercredi. Je viens d'écrire à messieurs de Villèle et de Corbière, monsieur, et je les engage à passer ce soir chez moi, car dans une œuvre aussi utile, il ne faut pas perdre un moment. Je vous remercie d'avoir fait marcher l'affaire aussi vite. J'espère que nous arriverons à une heureuse conclusion. Soyez persuadé, monsieur, du plaisir que j'ai à vous avoir cette obligation et recevez l'assurance de ma haute considération, Richelieu. Permettez-moi, monsieur le duc, de vous féliciter de l'heureuse issue de cette grande affaire et de m'applaudir d'y avoir eu quelque part. Il est bien à désirer que les ordonnances paraissent demain. Elles feront cesser toutes les oppositions. Sous ce rapport, je puis être utile aux deux amis. J'ai l'honneur, monsieur le duc, de vous renouveler l'assurance de ma haute considération, Chateaubriand. Vendredi. J'ai reçu avec un extrême plaisir le billet que monsieur le vicomte de Chateaubriand m'a fait l'honneur de m'écrire. Je crois qu'il n'aura pas à se repentir de s'en être rapporté à la bonté du roi, et s'il me permet d'ajouter au désir que j'ai de contribuer à ce qui pourra lui être agréable. Je le prie de recevoir l'assurance de ma haute considération, Richelieu. Ce jeudi. Vous savez sans doute, mon noble collègue, que l'affaire a été conclue hier soir à 11h et que tout s'est arrangé sur les bases convenues entre vous et le duc de Richelieu. Votre intervention nous a été fort utile. Grâce vous soit rendue pour cet acheminement vers un mieux qu'on doit désormais regarder comme probable. Tout à vous pour la vie, J. de Polignac. Paris, mercredi 20 décembre, 11h30 du soir. Je viens de passer chez vous qui étiez retiré, noble vicomte. J'arrive de chez Villèle, qui lui-même est rentré tard de la conférence que vous lui aviez préparée et annoncée. Il m'a chargé, comme votre plus proche voisin, de vous faire savoir ce que Corbière voulait aussi vous mander de son côté, que l'affaire que vous avez réellement conduite et ménagée dans la journée est décidément finie de la manière la plus simple et la plus abrégée. Lui, sans portefeuille, son ami, avec l'instruction. Il paraissait croire qu'on aurait pu attendre un peu plus et obtenir d'autres conditions. Mais il ne convenait pas de dédire un interprète à un négociateur tel que vous. C'est vous réellement qui leur avez ouvert l'entrée de cette nouvelle carrière. Ils comptent sur vous pour la leur aplanir. De votre côté, pendant le peu de temps que nous aurons encore l'avantage de vous conserver parmi nous, parlez à vos amis les plus vifs dans le sens de seconder, ou du moins de ne pas combattre, les projets d'union. Bonsoir. Je vous fais encore mon compliment de la promptitude avec laquelle vous menez les négociations. Vous arrangerez ainsi l'Allemagne pour revenir plus tôt au milieu de vos amis. Je suis charmé pour mon compte de ce qu'il y a de simplifié dans votre position. Je vous renouvelle tous mes remerciements, M. de Montmorency. Voici, monsieur, une demande adressée par un garde du corps du roi au roi de Prusse. Elle m'est remise et recommandée par un officier supérieur des gardes. Je vous prie donc de l'emporter avec vous et d'en faire usage. Si vous croyez, quand vous aurez un peu examiné le terrain à Berlin, qu'elle est de nature à obtenir quelque succès. Note. Chateaubriand venait d'être nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de la cour de Berlin. Moniteur du 30 novembre 1820. Fin de note. Je saisis avec grand plaisir cette occasion de me féliciter avec vous du moniteur de ce matin et de vous remercier de la part que vous avez eue à cette heureuse issue qui, je l'espère, aura sur les affaires de notre France la plus heureuse influence. Veuillez recevoir l'assurance de ma haute considération et de mon sincère attachement, Pasquier. Cette suite de billets montre assez que je ne me vante pas. Cela m'ennuierait trop d'être la mouche du coche. Le timon ou le nez du cocher ne sont pas des places où j'ai jamais eu l'ambition de m'asseoir. Que le coche arrive au haut ou roule en bas, point ne m'en chaud. Accoutumé à vivre caché dans mes propres replis, ou momentanément dans la large vie des siècles, je n'avais aucun goût au mystère d'antichambre. J'entre mal dans la circulation en pièces de monnaie courante. Pour me sauver, je me retire auprès de Dieu. Une idée fixe qui vient du ciel vous isole et fait tout mourir autour de vous. Fin de la section 24.